Conversation. Rien d'important. Vous trouvez ça amusant, monsieur, que le train ait plus de 3 heures de retard? Oh, pas amusant, non. Désopilant. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Moi, je viens de perdre un rendez-vous d'affaires très important. Plusieurs millions de francs qui s'en vont en fumée. Et en plus, je ne peux même pas donner un coup de fil pour avertir mon client. Justement, personne ne peut rien faire. Absolument rien. Alors croyez-moi, il vaut mieux en rire. Riez alors, riez. On voit bien que vous n'avez rien de vraiment important à faire en ville, vous. Rien d'important à faire? Non, sinon vous ne ririez pas comme une baleine. Comme une baleine? Et vous continuez en plus. Vous n'avez aucun respect pour les autres. J'ai moi aussi quelque chose de très important à faire. On ne dirait pas. Ma fiancée a décidé de me laisser tomber. De me laisser tomber si je ne passais pas la journée avec elle. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, vous comprenez? Et alors? Vous la verrez de toute façon. Avec 3 heures de retard, mais vous la verrez. Nous arriverons à l'heure du déjeuner. Et nous arriverons vers midi, à la gare, oui. Parce qu'elle ne vous attend pas à la gare? Non! Elle est à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Je devais prendre l'avion ce matin, mais après son coup de téléphone hier soir, je n'arrivais plus à dormir. J'ai pris le premier train. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Je devais même arriver en avance. Et je voulais lui faire une surprise. La surprise, elle l'aura en ne me voyant pas descendre de l'avion. Je suis désolé pour vous, monsieur. C'est terrible, n'est-ce pas? Elle ne me croira jamais, en plus. C'est la vie. Vous trouvez ça amusant, monsieur, que le train ait plus de 3 heures de retard? Pas amusant, non. Désopilant. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Moi, je viens de perdre un rendez-vous d'affaires très important. Plusieurs millions de francs qui s'en vont en fumée. Et en plus, je ne peux même pas donner un coup de fil pour avertir mon client. Justement, personne ne peut rien faire. Absolument rien. Alors, croyez-moi, il vaut mieux en rire. Riez alors, riez. On voit bien que vous n'avez rien de vraiment important à faire en ville, vous. Rien d'important à faire? Non, sinon vous ne ririez pas comme une baleine. Comme une baleine? Et vous continuez en plus. Vous n'avez aucun respect pour les autres. J'ai moi aussi quelque chose de très important à faire. On ne dirait pas. Ma fiancée a décidé de me laisser tomber. De me laisser tomber si je ne passais pas la journée avec elle. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Vous comprenez? Et alors? Vous la verrez de toute façon. Avec 3 heures de retard, mais vous la verrez. Nous arriverons à l'heure du déjeuner. Nous arriverons vers midi à la gare, oui. Parce qu'elle ne vous attend pas à la gare? Non, elle est à l'aéroport. À l'aéroport? Oui, je devais prendre l'avion ce matin, mais après son coup de téléphone hier soir, je n'arrivais plus à dormir. J'ai pris le premier train. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Je devais même arriver en avance, et je voulais lui faire une surprise. La surprise, elle l'aura en ne me voyant pas descendre de l'avion. Je suis désolé pour vous, monsieur. C'est terrible, n'est-ce pas? Elle ne me croira jamais, en plus. C'est la vie. Un joli petit cadeau. Joyeux anniversaire, Georges. Joyeux anniversaire. Quelqu'un a certainement voulu me faire plaisir avec ce cadeau explosif. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que je fais tous les ans, le jour de mon anniversaire. J'ai ouvert un de mes cadeaux. Mais tu es tout noir et tu sens le brûler. Et si tu t'approches encore un peu, tu t'apercevras que mes sourcils sont effectivement brûlés. Oh mon Dieu, mais tu as raison. Et si tu regardes bien ma chemise, la chemise que j'ai achetée la semaine dernière, tu sais, celle qui coûtait une fortune, si tu la regardes bien, tu verras qu'elle est pleine de jolis petits trous noirs. Oh mon Dieu, mais c'est vrai. Alors, tant pis pour les sourcils, ça repousse les sourcils. Et tant pis pour la chemise. Mais cette petite plaisanterie aurait pu tourner au drame si cette maudite boîte avait explosé plus près de mon visage. Les yeux, ça ne repousse pas et ça ne s'achète pas non plus dans le premier magasin. Alors je repose ma question. Qui a voulu me faire rôtir avec ce joli petit cadeau? Écoute, c'est le jour de ton anniversaire. Tu ne vas pas te mettre en colère pour si peu. Pour si peu? Oui, enfin, tu n'es pas blessé. Tout va bien maintenant. Imagine alors ce qui aurait pu se produire si j'étais cardiaque. Tout le monde ici sait bien que tu n'es pas cardiaque. Sinon, personne ne t'aurait fait cette blague. Bon, puisque c'est comme ça, je remercie la personne qui m'a offert cette belle émotion. Allez, tous ensemble maintenant. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, Georges. Joyeux anniversaire. Quelqu'un a certainement voulu me faire plaisir avec ce cadeau explosif. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que je fais tous les ans le jour de mon anniversaire. J'ai ouvert un de mes cadeaux. Mais tu es tout noir et tu sens le brûler. Si tu t'approches encore un peu, tu t'apercevras que mes sourcils sont effectivement brûlés. Oh mon Dieu, mais tu as raison. Et si tu regardes bien ma chemise, la chemise que j'ai achetée la semaine dernière, tu sais, celle qui coûtait une fortune, si tu la regardes bien, tu verras qu'elle est pleine de jolis petits trous noirs. Oh mon Dieu, mais c'est vrai. Alors, tant pis pour les sourcils, ça repousse les sourcils. Et tant pis pour la chemise. Mais cette petite plaisanterie aurait pu tourner au drame si cette maudite boîte avait explosé plus près de mon visage. Les yeux, ça ne repousse pas et ça ne s'achète pas non plus dans le premier magasin. Alors je repose ma question. Qui a voulu me faire rôtir avec ce joli petit cadeau? Écoute, c'est le jour de ton anniversaire. Tu ne vas pas te mettre en colère pour si peu. Pour si peu? Oui, enfin, tu n'es pas blessé. Tout va bien maintenant. Imagine alors ce qui aurait pu se produire si j'étais cardiaque. Tout le monde ici sait bien que tu n'es pas cardiaque. Sinon, personne ne t'aurait fait cette blague. Bon, puisque c'est comme ça, je remercie la personne qui m'a offert cette belle émotion. Allez, tous ensemble maintenant. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, Georges, joyeux anniversaire. Unité 72. Prise de parole. Je me demande qui aurait le courage. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur les propositions subordonnées. Je lui ai demandé au moins 10 fois depuis combien de temps il habitait dans cet appartement. Et je ne sais pas pourquoi, il a toujours évité de me répondre clairement. La prochaine fois que tu rencontres Isabelle, dis-lui de me téléphoner. D'accord, mais je ne sais pas du tout quand je la verrai. C'est la 3e fois qu'il a un accident de voiture. Je me demande maintenant qui aurait le courage de monter dans son auto. Il faut que je remplisse ce formulaire, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Il répète tout le temps qu'il est fatigué. Ce n'est pas surprenant. Il passe ses nuits à observer les étoiles. Elle m'a promis qu'elle me prêterait son livre de recettes. Mais je ne l'ai plus revu. Tu as de ses nouvelles? Il m'a dit que j'ai l'air fatigué, que j'aille dormir un peu. Mais avec tout le travail que j'ai, comment veux-tu que je fasse? La dernière fois que j'ai vu Annie, elle ne se sentait pas très bien. Elle avait mal à la tête, elle avait trop de problèmes et elle allait prendre quelques jours de vacances. Personne ne réussit à trouver la cause de ma maladie. Et je t'assure que je ne sais plus à quel médecin m'adresser. Je ne veux pas acheter ce livre, je vous demande simplement combien il coûte. Prise de parole. Tant qu'il pleuvra. Voici quelques phrases sur les propositions subordonnées de temps et de cause. Pendant que le poulet cuisait, je préparais les bagages. Je vous invite au restaurant dès que le tableau sera terminé, d'accord? Alors, la séance de pause s'est bien passée? Très bien. Lorsque le peintre a terminé le tableau, il m'a invité au restaurant. C'est un homme très charmant. Ah, c'était une femme exceptionnelle. Tandis que je conduisais, c'est elle qui lisait la carte routière. Pendant que je dormais, elle me préparait toujours de bons petits plats. Et lorsque j'étais malade, c'était une infirmière extraordinaire. Et si nous allions faire un tour au zoo aujourd'hui? Tant qu'il pleuvra, nous resterons à la maison. Après, on verra. Tu as passé de bonnes vacances? Tu parles. Comme il pleuvait jour et nuit, nous sommes restés à l'hôtel et nous n'avons rien pu faire. Quand elle apparaît sur la scène, tout le monde applaudit. C'est vrai, dès qu'elle se montre et qu'elle parle, dans la salle, c'est le délire. Depuis que je la connais, elle a toujours brûlé les planches. Le public l'adore, parce qu'elle a du talent, c'est vrai, mais aussi parce qu'elle a un charme fou. Puisque tu aimes le théâtre, voici un abonnement pour la prochaine saison théâtrale. Comme il avait beaucoup de temps et vu que c'est un vrai cordon bleu, il a décidé de nous mijoter un bon petit plat. Du moment que nous étions d'accord, je ne vois pas pourquoi tu as changé d'avis sous prétexte qu'il pleut. Ce n'est pas que je veuille te contraindre à m'accompagner au cinéma, mais vraiment, je ne vois pas en quoi la pluie puisse changer quelque chose. Prise de parole. Pour qu'elle accepte. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes sur les subordonnées de but et de conséquence. Est-ce que tu peux m'accompagner en voiture à mon rendez-vous afin que je puisse arriver à l'heure? Dépêche-toi de te préparer alors. Sinon, c'est moi qui vais arriver en retard au mien. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'elle accepte de poser pour moi? Je ne sais pas. Essaie d'être plus gentil avec elle. Je vous ai dit 100 fois de toujours fermer la porte de crainte que le courant d'air ne vous fasse mal. Il n'a jamais voulu la présenter à ses parents, de peur qu'elle ne leur plaise pas. Pourquoi? Elle n'est pas sympathique? Au contraire, elle est très sympathique et très jolie. Mais depuis qu'il a divorcé, ses parents ont toujours critiqué ses nouvelles fiancées. Ce n'est pas la peine de te plaindre. Tu as mangé tout le gâteau tout seul, de telle sorte que maintenant, tu es malade. Il a fallu que je goûte à tous les plats qu'elle avait préparés, au point que j'étais malade toute la nuit. Il conduisait beaucoup trop vite, si bien qu'au premier virage, il a eu un accident. Elle mangeait beaucoup trop, de telle manière qu'elle a été obligée de faire un régime très sévère. Tu aurais dû venir avec nous hier soir. Le succès de la pièce que nous avons vue a été si grand qu'aujourd'hui on en parle dans tous les journaux. Tu bois trop, Alain, de manière qu'un jour ou l'autre tu auras de graves problèmes de santé. Il pleut tellement qu'on ne peut pas sortir. Où voudrais-tu aller avec un temps pareil? D'accord, il pleut beaucoup trop pour qu'on puisse sortir maintenant. Mais ça va peut-être se calmer. Prise de parole. Si cela peut être utile. Voici maintenant quelques phrases sur les subordonnées de concession et de condition. J'ai beaucoup d'estime pour Thérèse. Elle est généreuse, quoiqu'elle ne gaspille jamais son argent. C'est quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Si cela peut être utile, je peux lui donner un coup de fil, bien qu'il soit très occupé ces temps-ci. Pierre, c'est une personne très aimable, encore que je doute qu'il ait beaucoup d'amis. Il n'a jamais le temps de sortir, d'aller au restaurant ou au cinéma, il a trop de travail. Quand il s'est présenté au bureau avec son nouveau chapeau, quelque étonnant que cela puisse paraître, je ne me suis aperçu de rien. Si étonnant que cela puisse sembler, je ne suis jamais allé à Venise, même si j'habite à une centaine de kilomètres seulement. Tu verras, il acceptera ou non ton invitation à dîner, selon qu'il aura fini son régime ou non. Et à supposer qu'il accepte, de toute façon, ce n'est jamais très agréable de manger avec quelqu'un qui ne parle que de calories. Il viendra, oui, à condition qu'il ait terminé son travail et en admettant qu'il puisse se libérer à 5 heures. Il est toujours possible qu'il y ait des embouteillages et qu'il arrive en retard. Elle viendra, à moins qu'on ait oublié de l'inviter. Et au cas où vous la rencontreriez, dites-lui que je serai très heureux de la revoir. Si vous avez 2 minutes, passez dans mon bureau. Prise de parole. Le beau temps revenant. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur les subordonnées de comparaison et sur les propositions participiales. Tu as vu Paul ? Il doit être au cinéma, ainsi qu'il le fait tous les soirs. Jean, il va à la mer tous les dimanches, été comme hiver, tel qu'il le faisait quand il était enfant. Anne et Marie sont 2 sœurs jumelles. Anne s'habille toujours comme s'habille Marie. Elles adorent les vêtements un peu excentriques, de même qu'elles portent toujours d'étranges chapeaux. Tu es aussi stupide que ton frère est intelligent. Non, leur mariage n'a pas résisté au train-train de tous les jours. Leur passion fut brève autant qu'elle était rare. Mais où étais-tu enfin? J'étais d'autant plus inquiet que la nuit tombait. La pluie ayant cessé, nous sommes allés faire un tour du côté du fleuve. Le beau temps revenant, nous pourrions faire une belle promenade tous ensemble. Le travail fait, ils réclament leur salaire. La décision prise, il ne réussissait pas à la mettre à exécution. Conversation. Gérard Philippe. J'ai le sentiment que ce soir, notre spectacle a été un four. Pourquoi? Parce que le public a sifflé 2 ou 3 fois et parce que certaines personnes sont parties avant la fin. Ça arrive quelquefois. Oui, mais hier, tout allait bien. Nous avons même fait un petit triomphe. Non, je ne comprends pas. Alors rappelle-toi qui était dans la salle hier soir. Qui était assis juste devant la scène? Le critique théâtral du Monde. Exactement. Et tu as lu le journal ce matin? Non, je n'ai pas eu le temps. Nous sommes tous des cabotins. Nous n'avons aucun talent. Et nous sommes tout juste bons à faire rire les chèvres. À faire rire les chèvres? Et le public s'est laissé influencer par un article. Par un article? Publié dans un des plus prestigieux journaux français. C'est une honte. Et s'il y avait quelque chose de vrai dans cet article? Tu ne vas pas commencer à douter, toi aussi. Un examen de conscience ne fait de mal à personne, au contraire. Un spectateur, un seul sur plusieurs centaines, décide que nous sommes des cabotins sans aucun talent et tu commences à trembler. Je ne tremble pas. J'essaie simplement d'être honnête avec moi-même. Et demain? Quoi demain? Si quelqu'un d'autre écrit quelque part que tu es le Gérard Philippe de la nouvelle génération, tu ne daigneras même plus nous adresser la parole. Tu exagères. Pas du tout. Je m'aperçois que tu n'as aucune confiance en toi. Et ça, ça risque d'être très mauvais pour toute la troupe et les prochaines représentations. Et je commence à me demander si ce n'est pas ça que le public a senti ce soir. Ah, le four, c'est de ma faute. C'est probable. J'ai le sentiment que ce soir, notre spectacle a été un four. Pourquoi ? Parce que le public a sifflé deux ou trois fois et parce que certaines personnes sont parties avant la fin. Ça arrive quelquefois. Oui, mais hier, tout allait bien. Nous avons même fait un petit triomphe. Non, je ne comprends pas. Alors, rappelle-toi qui était dans la salle hier soir. Qui était assis juste devant la scène? Le critique théâtral du Monde. Exactement. Et tu as lu le journal ce matin? Non, je n'ai pas eu le temps. Nous sommes tous des cabotins. Nous n'avons aucun talent. Et nous sommes tout juste bons à faire rire les chèvres. À faire rire les chèvres. Et le public s'est laissé influencer par un article. Par un article publié dans un des plus prestigieux journaux français. C'est une honte. Et s'il y avait quelque chose de vrai dans cet article? Tu ne vas pas commencer à douter, toi aussi. Un examen de conscience ne fait de mal à personne. Au contraire. Un spectateur, un seul sur plusieurs centaines, décide que nous sommes des cabotins sans aucun talent et tu commences à trembler. Je ne tremble pas. J'essaie simplement d'être honnête avec moi-même. Et demain? Quoi demain? Si quelqu'un d'autre écrit quelque part que tu es le Gérard Philippe de la nouvelle génération, tu ne daigneras même plus nous adresser la parole. Tu exagères. Pas du tout. Je m'aperçois que tu n'as aucune confiance en toi. Et ça, ça risque d'être très mauvais pour toute la troupe et les prochaines représentations. Et je commence à me demander si ce n'est pas ça que le public a senti ce soir. Ah, le four, c'est de ma faute. C'est probable. Cadillac. Qu'est-ce que tu dis? Pierre est en prison? Oui, il a été arrêté ce matin. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir participé à un hold-up. Un hold-up? Mais c'est impossible. Ça fait maintenant 4 ans que je le connais. Et je suis sûre et certaine qu'il ne ferait jamais de mal à une mouche. Ça s'est passé il y a 7 ans, dans le sud de la France. Ses complices ont été arrêtés tout de suite, mais lui, il a réussi à s'échapper et les policiers ont mis 7 ans avant de pouvoir retrouver ses traces. Je n'arrive pas à y croire. Tu parles bien de Pierre? Pierre, notre collègue? Oui. Et tu ne t'es jamais demandé comment il pouvait changer de voiture tous les ans? Et des voitures de luxe en plus. Et comment il avait fait pour payer ses 2 villas à la mer? Tu sais, moi, la vie privée des autres... Oui, mais quand même. Il avait un train de vie beaucoup trop élevé pour ses moyens. C'est justement cela qui a mis la puce à l'oreille aux policiers. Effectivement, ce n'est pas avec notre salaire de misère qu'il pouvait se permettre tout cela. Et tu sais que tu devras témoigner à son procès. Témoigner à son procès? Et qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, au juge? Ce que tu viens de me dire. Qu'avec un salaire de misère, on ne peut pas acheter une Cadillac tous les ans, ni une villa sur la Côte d'Azur. Voilà tout. Et Pierre sera présent? Évidemment, puisque c'est son procès. Je ne pourrai jamais témoigner contre lui, jamais. La loi, petite amie, c'est la loi. Qu'est-ce que tu dis? Pierre est en prison? Oui, il a été arrêté ce matin. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir participé à un hold-up. Un hold-up? Mais c'est impossible. Ça fait maintenant 4 ans que je le connais. Et je suis sûre et certaine qu'il ne ferait jamais de mal à une mouche.